cherche un son de... Dire Sweat, je crois qu'il jouait derrière Sweat. Et ben je suis perdu dans ce truc là, il y en a tellement des sons.